mes produits hantés, en grammes. Tous mes potos dans le train, en maison d'arrêt. Quand je t'ai trouvé joli, c'était déjà trop tard. T'étais ma propriété, mon amour, je suis ces connards. Mes liquides, j'étais sous le sommier, dire les verres bleus. J'ai trouvé maman et pleuve. J'y suis et j'ai été plus en polo. J'prends mes sous, ma notoriété prend là. Et puis j'passe bourré au radar, prenez mon doigt. J'avais ton visage dans les yeux quand t'étais pas là. Y'a rien qui va s'arranger. Y'a plus rien à renouer. Ils sont trop mal intentionnés. Descends-les, derrière les volets. Y'a des enjeux, si j'ai les mains salées. Tant pis, fuir on fera jamais. Jamais, j'serai encore seul dans la tempête. Tremper les mains dans le sang. On fait les skips, on a des Rolex. Ça sent l'ammoniaque et l'encens. Le ciel est rouge dans mon hood. Mon hood, on va mourir ensemble. Mais tout seul, j'suis hors game comme un homme. Homme, il m'a fallu le temps pour comprendre. Oh, quelques baisers volés. J'ai plus ton reflet dans l'eau. Mais qui connaît mes problèmes? Quand j'ai fait comme si j'allais bien. Oh, on tombe jamais ensemble. J'peux tuer pour toi. J'ai prié pour mes potes, ils ont prié pour moi. Ne me laissez pas voir le printemps. Si c'est pour mourir en été. Oh, j'peux pas vivre avec, j'peux pas vivre sans. La rue la mienne au fond, c'est qu'elle fait pas d'innocent. Peu à peu les flammes embrasseront le vent. Peu à peu les drames s'effaceront dans le temps. Riche à la vie, un magique, il faut se lever tôt. Rigide sans émotion devant se rêver. 22 aux fesses et j'brise le rétro. J'ai repeint mes murs en blanc et mes peines restent en dessous. Travailleur acharné. Malheureusement j'serai souvent peu présent. Rage d'hier me rend toujours affamé. J'irai dormir à l'heure du soleil levant. J'aurais parti t'arracher la lune. Si j'avais su mieux t'éclairer. J'aurais parti seul dans la brume. Si j'avais su mieux t'aimer. J'aurais parti t'arracher la lune. Si j'avais su mieux t'éclairer. J'aurais parti tout seul dans la brume. Si j'avais su mieux t'aimer. Oh, oh, oh.